belmez na mi pozat yo e beya se ya pa la mi pozat visite les étrangers à quoi à ces jours toujours égoté Martinique c'est un pays d'amour yo caritoune Martinique tout belmez na mi pozat yo e beya se ya pa la mi pozat visite les étrangers à quoi à ces jours toujours égoté Martinique, c'est un pays d'amour, y'a un toujours dit que Martinique n'est point merveilleux. Au cas trouvé, on met pis ciel a toujours bleu. Sur les beautés du pays, au cas y enchanté. Oui, mes amis, Martinique, la faut d'autres visiter. Oui, oui, mes amis, Martinique, la faut d'autres visiter. Martinique, trop belle, mes amis, vous autres ignorez. Pays c'est un paradis, pas besoin de visiter. Les étrangers après un séjour toujours écouté. Martinique c'est un pays d'amour, y'a qu'à retourner. Martinique trop belle mes amis, vous autres ignorez. Pays c'est un paradis, pas besoin de visiter. Les étrangers après un séjour toujours écouté. Martinique c'est un pays d'amour, y'a qu'à retourner.